Et la chronique pro-repêchage ou avant-repêchage avec notre ami Wallet du blitznfl.com. Salut Wallet. Salut Daniel, ça va bien? Ça va bien Wallet, évidemment. Donc, on va parler maintenant du côté de du repêchage de la NFL. Donc, la semaine passée, on a parlé des carrières. Là, maintenant, on va parler des porteurs de ballon. Dans l'ensemble, est-ce que c'est une bonne année du côté des porteurs de ballon? Oui, je pense que c'est une classe qui devrait surprendre, puis qu'au moyen long terme, ça va probablement être une des bonnes classes selon moi. Qu'est-ce qui est vraiment spécial cette année dernière avec les porteurs de ballon, c'est qu'on n'a pas vraiment un nom en particulier que tout le monde s'attend à voir sortir tôt en première ronde. On se rappellera le 5 ans. Ezekiel Elliott avec les Cowboys. Après ça, on a eu Leonard Fournette avec les Jaguars de Jacksonville. Cette saison, on a beaucoup de joueurs de talent, mais aucun gars qui se démarque vraiment, puis un gars qu'on voit tôt en première ronde. Donc, fin de la première ronde, probablement beaucoup de porteurs de ballon en deuxième ronde, en troisième ronde, on va avoir des joueurs qui ils vont avoir un impact dans la NFL pendant plusieurs saisons, selon moi. OK, donc Jonathan Taylor de Wisconsin, c'est un joueur que j'ai connu, que je connais, donc c'est le premier choix, en tout cas, c'est un des premiers. Oui, tout dépend à qui tu poses la question. Jonathan Taylor fait probablement partie du top 5 des meilleurs porteurs de ballon de sa classe. Naturellement, ça fait 2 ans qu'on se parle, Dan. Ça fait 2 ans qu'on parle de Jonathan Taylor. Beaucoup, on parlait de lui potentiellement pour le trophée Heisman la saison dernière. Quand on regarde les statistiques de Jonathan Taylor, en 3 saisons, chez les Badgers du Wisconsin, il a porté le ballon 950 fois. C'est énorme. C'est des chiffres qui prouvent que c'est un joueur qui reste en santé, mais il y a beaucoup de millage derrière la cravate déjà. Si on compare avec d'autres joueurs de sa classe qui, eux, ont porté le ballon beaucoup moins souvent, peut-être que certaines équipes de la NFL vont vouloir se garder une petite gêne avec un porteur de ballon qui a déjà couru autant. Ça reste, selon moi, là, un excellent porteur de ballon. Fin de première ronde, deuxième ronde, là, selon moi, est envisageable pour lui. OK. Donc, c'est un gars de Wisconsin. Après ça, J.K. Dobbin de Ohio State en est un autre. Oui, puis J.K. Dobbins, il a vraiment eu une carrière intéressante à Ohio State. Je me rappelle, là, en 2017, il avait connu une saison recrue formidable. Un peu après le départ là, de Zeke Elliott, les Buckeyes d'Ohio State se cherchaient un peu un nouveau visage là, au poste de porteur de ballon. Puis J.K. Dobbins est arrivé en 2017 avec une grosse saison. On s'attendait vraiment à une carrière exceptionnelle. En 2018, ça l'a ralenti considérablement là, en termes de statistiques et de production pour lui. Il faut savoir aussi que Dwayne Haskins est devenu le carrière partant. L'offensive a un peu changé son visage en y allant beaucoup plus avec des jeux aériens. Dwayne Haskins, qui est un peu un carrière typique là, dans sa pochette protectrice. Puis J.K. Dobbins revient en 2019 avec une saison formidable. On parle d'une saison de 2000 verges, 21 touchés. C'est un gars qui peut aider son équipe sur le jeu au sol, le jeu aérien, qui est capable de bloquer son corps arrière. Moi, il me rappelle beaucoup Josh Jacobs, qui a été repêché en première ronde l'an dernier par les Raiders d'Oakland, maintenant les Raiders de Vegas. Ouais. Donc, même son cloche, là, je ne serais pas surpris de le voir partir en fin de première ronde, mais deuxième ronde, c'est probablement certain qu'il va être repêché. OK. Le troisième porteur de ballon, ce que je vois, c'est... on parle de Clyde Edwards-Hillary de LSU. Le fait qu'il joue pour LSU, ça doit l'aider, ça? Ah, c'est sûr que quand tu as évolué dans l'offensive, qu'il y a eu les meilleures statistiques probablement de l'histoire de la NCAA, ça l'aide beaucoup à ton... ça l'aide beaucoup à ton stock rendu au repêchage. Je pense que Clyde Edwards-Hillary l'a montré. Il y a beaucoup de gens qui pensent que potentiellement, étant donné qu'il y a seulement 214 portées l'an dernier, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est probablement le porteur de ballon le plus en santé qui a été le moins utilisé au cours de son parcours universitaire. Donc, on s'attend à ce qu'il reste en santé longtemps dans le college football. Même son cloche que J.K. Dobbins, c'est un gars qui peut aider au jeu au sol, il peut aussi aider avec le jeu aérien, capable de bloquer. Lorsqu'il vient le temps de le comparer un peu, on va laisser de côté là, les écarts de conduite hors du terrain. Okay. Mais son gabarit, Sa manière de courir me rappelle un peu le Ray Rice de ses belles années à OK. Rutgers, qui avait connu du succès avec Baltimore avant de, ben, on sait, de prendre des décisions un peu stupides à l'extérieur du terrain. Donc, ouais, comme tu dis, là, ça fait probablement partie là, de mon top 3. Je rajouterais potentiellement DeAndre Swift de Georgia à l'équation, puis Zach Moss de Utah aussi, là, qui eux aussi ont connu des carrières extraordinaire. Naturellement, là, DeAndre Swift, qui était un peu plus polarisé avec l'Université de Georgia, qui, eux, ont du succès année après année avec leurs porteurs de ballon. Du côté de Zach Moss, un petit peu moins connu, là, Utah, on les voit un petit peu moins à la Ouais. télévision, mais ça reste un porteur de ballon qui a porté la peau de cochon, là, 230 fois cette saison, près de 1500 verges, 15 touchés. C'est un gars qui est un peu à l'image de Clyde Edwards-Helaire. Il me rappelle un peu un joueur qui a connu du succès dans la NFL avant de montrer des absences cérébrales à l'extérieur du terrain. Il me rappelle un peu Kareem Hunt Ah, OK. en début de carrière avec les Chiefs de Kansas City. Donc je pense que c'est une belle classe. C'est pas une classe qui, comme que je dis, qu'on va parler à cause qu'ils ont été repêchés tôt, mais je pense que c'est une classe que dans 4 ou 5 ans, on va dire, ouais, il y avait vraiment des bons porteurs de ballon en 2020, puis il y a d'autres talents qui vont sortir plus tard dans le repêchage qui pourraient surprendre dans Ouais, les ben, il prochaines y a années, lesquels selon en moi. passant? Ben, vite comme ça, là, je regarde un joueur comme Cam Akers de Florida State qui avait connu un très, très bon début de carrière, mais Florida State, on le sait, c'est une équipe qui a ralenti énormément dans les 2 dernières années. Je pense que ça le fait un peu mal paraître. Je pense à un gars comme Keyshawn Vaughn avec Vanderbilt qui, lui aussi, a connu une carrière intéressante. Puis finalement, ben, A.J. Dillon avec les Eagles de Boston College. C'est un gros porteur de ballon. On parle d'un gars de 6 pieds, 250 livres. C'est un gars qui arrive dans la NFL peut-être 15 ans en retard, là. On voit plus beaucoup de porteurs de ballon aussi Un genre de costauds dans la Jerome NFL. Bettis, genre. Ouais, potentiellement un Jerome Bettis. Ouais, ça peut être une bonne comparaison, sauf que Jason Bettis était peut-être plus explosif que lui. Je te disais qu'un gars comme A.J. Dillon, par exemple, là, tu le rajoutes à un comité de porteurs, tu ne veux pas l'avoir comme ton porteur numéro un qui a principalement le ballon 100% du temps. Tu veux le lâcher un comité de porteurs, puis l'utiliser dans la zone des buts. Tu veux l'utiliser dans des situations où est-ce que les défensives adverses l'ont jamais vu. Puis, ça peut devenir un joueur intéressant qui, sans dire, va avoir un impact majeur, peut aider une équipe là, à faire les éliminatoires, gagner un match éliminatoire. C'est un joueur comme ça, selon moi. Donc, c'est 8 gars qui me viennent en tête. Naturellement, mon top 5 est peut-être un peu plus fondé, mais je pense que le talent est vraiment là. Ça va être une classe intéressante à suivre dans les prochaines saisons. Il y a beaucoup de gars que, si vous êtes des amateurs de fantasy football, à surveiller là, si vous êtes en fond, si vous êtes en mesure de repêcher tôt l'an prochain dans OK. votre repêchage. Bon, ben, ça fait le tour pour cette semaine. On s'en reparle la semaine prochaine avec les receveurs de passe. Parfait. Notre ami Wallet du site le bitsnfl.com.